Sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, vous êtes à l'antenne de Album Classique, une émission qui, à chaque semaine, explore une musique que vous ne retrouverez pas dans la discothèque de vos parents, des albums cultes qui, parfois, ont passé inaperçus ou qui méritent d'être dépoussiérés pour être redécouverts par moi-même, votre animateur Simon Fitzbé. Eh bien, cette semaine, nous nous aventurons un peu plus dans les années 80. Alors, on est resté surtout dans les années 60, tout au cours du début de la saison, en fait. Et c'est maintenant le temps, en fait, d'attaquer une tranche vraiment différente de l'émission, les années 80, avec un album qui quand même respire l'esprit pop. Et j'ai nommé l'album, le troisième album éponyme de Peter Gabriel, ou surnommé Melt, puisque Peter Gabriel, dans le cadre de ses trois premiers albums, ne nommait pas l'album tout simplement, et on la reconnaît plutôt à la photo ou au artwork plutôt qu'on retrouve sur l'album. Et donc, c'est sur cet album, on retrouve Peter Gabriel avec le visage à moitié fondu. Et c'est donc ce qui a lui amené le surnom de Melt. Un très, très bon album, selon plusieurs, le meilleur album que Peter Gabriel a produit dans sa carrière. Et là, on parle d'album précédent à So, qui a été son plus grand album niveau commercial. Donc, quand même, on peut parler d'un très bon album pour Peter Gabriel. Il comporte aussi les premiers succès radio de Peter Gabriel depuis Salisbury Hill. Il faut dire que son second album, qui était quand même très, très, très bon, il s'était allié avec Robert Fripp pour son second album avec les éclairs sur le dessus, pour ceux qui n'ont que la pochette en tête. Et quand même, qui était un très bon album, mais qui toujours restait un peu du niveau de l'expérimentation pop, chose qui était très nouveau. Peter Gabriel a été le premier, en fait, à faire de l'expérimentation au niveau de la pop, lui qui avait quitté Genesis en 1975 pour pouvoir débuter sa carrière solo, entre autres avec la pièce Salisbury Hill que tout le monde connaît. Et cet album qui est Melt, en fait, comporte plusieurs pièces qu'on a surnommées un peu de pièces artistiques et très, très effrayante. Donc, on est dans le thème de l'Halloween, donc on fait le lien un peu avec cet album, puisqu'on parle d'un sexy scare sur AllMusic, donc une épouvanterie qui est sexy, si on veut traduire un mot pour mot, et avec de très bonnes pièces, dont I Don't Remember et Game Without Frontier, qui sont deux pièces qui ont paru à la radio, qui ont beaucoup tourné et qui sont encore des succès aujourd'hui, qu'on entend souvent dans les antennes de classic rock ou des radios un peu plus spécialisées, puisqu'il faut dire que Peter Gabriel, au début de carrière, n'était pas aussi accessible qu'il l'a été par la suite, entre autres avec les grands succès de son album So. La pièce Intruder, entre autres, lorsqu'on parle un peu d'épouvanterie, est quand même intéressante, puisqu'on retrouve beaucoup d'effets de cris au niveau des instruments, mais aussi dans la musique. Et c'est qui est donc qui rajoute un peu à cette histoire d'un homme, en fait, qui s'introduit dans l'appartement de quelqu'un. Donc, déjà, c'est une petite épouvante, en fait, qu'on retrouve un peu épeurant. Donc, nous allons entendre dans la première partie de cet album, les cinq premières pièces, il y en a 10, les pièces Intruder, No Self-Control, qui va suivre Start, qui est une pièce instrumentale, qui est la troisième sur l'album. La pièce I Don't Remember va poursuivre et Family Snapshot va terminer cette première partie de l'album. Un album qui, quand même, a 45 minutes 32. Donc, si je veux avoir le temps de vous le présenter au complet, il faudrait que j'arrête éventuellement de vous parler de cet excellent album. Mais je vais plutôt laisser la musique vous parler. Donc, Peter Gabriel, communiquer directement avec vous par sa musique. Oh mon Dieu, j'ai l'air New Age en disant ça. Mais plutôt, donc, allez, ayez du fun à écouter cette musique de Peter Gabriel, troisième album 1980. Très, très bon album, Melt, de son surnom. Le troisième album éponyme de Peter Gabriel. Voici la pièce Intruder sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Vous écoutez Album Classique. awake. Your bated breath charging the air. I like the touch and the smell of all the pretty dresses you wear. To hurt you, I hate to see your pain, but I don't know how to stop. I don't know how to stop. Street after street, night after night, I walk on through the rain. I walk on through the rain. I don't know how to stop. I don't know how to stop. No, I don't know how to stop. I don't know how to stop. Hey, I don't know how to stop. The streets are lined with camera crews. Everywhere he goes is news. Today is different. Today is not the same. Today I'll make the action. Take snapshot into the light. Snapshot into the light. I'm shooting into the light. 4 miles down, the cavalcade moves on. Driving into the sun. If I worked it out right, they won't see me or the gun. 2 miles to go, they're clearing the road, and the cheering has really begun. I've got my radio, I can hear what's going on. Peak time viewing, blown in a flash as I burn into your memory cells. La pièce Family Snapshot, donc, qui venait terminer notre première écoute du premier côté de l'album de Peter Gabriel, le troisième album solo de l'artiste, l'album surnommé Melt. Alors, pendant qu'on écoutait cette merveilleuse musique, je suis allé surfer sur le site de La Disque, bien sûr, puisque ce soir, c'est l'autre gala de La Disque et un de nos collègues assez fous est nominé ce soir. Et j'ai nommé Danny Janvier, qui est nominé dans meilleur album électronique et de musique électronique, plutôt. Et donc, son projet Bio Bazar, l'album Festin Nu, qui est paru plus tôt cette année et donc qui a eu connu de très bonnes critiques ainsi que très bon succès. Donc, il est en nomination contre Jean-Pierre Limoges et son album Saint-Michel, ainsi que Numéro et Sport de combat. On lui souhaite toutes les chances, bien sûr, si cette nomination n'est pas encore passée. Malheureusement, j'ai pas un lien avec l'autre gala de La Disque ce soir en ondes. Je vais essayer quand même de m'informer pour pouvoir vous dire si Danny a remporté ce Félix. Félix qui m'a promis qu'il me laisserait, en fait, y toucher. Il ne me l'a pas promis à moi, mais je vais pouvoir toucher à ce fameux trophée que nous rêvons tous, au moins une fois dans sa vie, d'avoir dans ses mains. Donc, au moins, je pourrai voir qu'est-ce que ça a l'air en vrai, un Félix. Donc, nous avons entendu dans cette première partie de l'émission, cette première partie de l'album de Peter Gabriel, les pièces « Intruder ». Qui débutait l'album, quand même une pièce assez épeurante si on utilise le thème plutôt de la peur dans cet album. No Self Control a continué et là vraiment c'est une pièce quand même assez déchaînée où Gabriel donc ne criait pas mais pratiquement dans le micro. La pièce Start qui est une pièce instrumentale. Le succès radio I Don't Remember, une très très bonne pièce qui, selon quelques personnes qui l'ont critiqué bien sûr dans les magazines, sur des sites internet, c'est une pièce qui n'a pas nécessairement d'air très très typique, mais qui est plutôt une bonne progression d'accords avec un rythme très pop. Et donc, ce qui a aidé à être la pièce la plus écoutable à la radio, disons-le. C'est une pièce qui a été diffusée dans plusieurs radios à l'époque. Et on avait terminé avec la pièce Family Snapshot, une pièce un peu plus lente donc avait sa propre ambiance, ce qui était très génial. Nous allons devoir aller à la pause tout de suite et on va se retrouver de l'autre côté avec plus de cet album de Peter Gabriel, son troisième surnommé Melt. Très très bon album de Peter Gabriel. Selon plusieurs, le meilleur de sa carrière au niveau de la production, mais aussi de la qualité des chansons. Et donc, nous allons continuer cette écoute de l'autre côté de la pause. On va essayer encore d'avoir des nouvelles à propos de l'autre gala de La Disque avec Danny Janvier. C'est la première fois qu'on suit quelque chose en direct dans le cadre d'albums classiques. Et donc, on va essayer d'avoir des nouvelles le plus rapidement possible à ce niveau. Donc, sans plus tarder, la pause. Et comme je disais, on se retrouve de l'autre côté. Album classique. Et nous écoutons l'album, le troisième album éponyme de Peter Gabriel. Album paru en 1980, surnommé Melt. L'Université du Québec à Trois-Rivières. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez Album classique et nous vous présentons ce soir le troisième album éponyme de Peter Gabriel, son album Melt. Et je dois déjà m'excuser, j'ai fait une erreur. Lorsque je vous ai présenté les pièces, j'aurais dû vous présenter la sixième pièce de l'album aussi, And Through the Wire. Donc, je suis vraiment désolé. Je vais remédier à cette erreur tout de suite. Dans le fond, en quelques secondes, en vous présentant le second côté de cet album. Cet album qui est quand même particulier au niveau des percussions. Peter Gabriel a décidé tout simplement d'amplifier le son des tambours de la batterie tout en disant au batteur, en fait, qui était Phil Collins lors de l'élaboration de ce son. Il a dit « Ne joue pas de cymbales, fais seulement de la batterie. » Ce qu'on appelle en anglais du « gated drum », en fait, c'est un son qui a été très, très, très utilisé, même surutilisé dans les années 80, entre autres avec, bien sûr, Phil Collins, qui l'a utilisé beaucoup sur son album « Face Value », Peter Gabriel, qui l'utilise beaucoup dans cet album aussi, entre autres avec « Intruder ». En fait, Phil Collins a joué la pièce « Intruder » et donc, Peter Gabriel a bâti la pièce autour de cette batterie très très puissante et donc il y avait aussi Jerry Marotta qui était batteur sur les sessions de l'album. Phil Collins qui a participé à la pièce Intruder ainsi que Biko, si ma mémoire est exacte. Donc voilà, donc cette deuxième partie sera constituée donc de la pièce And Through the Wire que nous avons oublié dans la première partie. Games Without Frontier, un très très grand succès de Peter Gabriel encore aujourd'hui. Not One of Us, qui va continuer. Et ensuite, Lead a Normal Life, en fait, qui sera la quatrième pièce présentée dans ce bloc. Et la cinquième, Biko, qui va venir terminer l'album. Une très, très bonne pièce, Biko, qui fait éloge de la passion de Peter Gabriel avec la musique du monde. Et c'est dans cet album, entre autres, que Peter Gabriel a commencé vraiment à s'inspirer de la musique africaine, des percussions, entre autres, on a pu entendre avec une utilisation des marimbas dans plusieurs de ses pièces et une très, très bonne utilisation, en fait, des percussions dans cet album et dans ce qui va suivre pour Peter Gabriel un peu. Donc, beaucoup de musique du monde. Il a été un des premiers, en fait, à utiliser cette musique du monde dans la pop. Et donc, Biko aussi, qui parle simplement, c'est un fait vécu. C'est une pièce qui était à propos de Steve Biko, qui est un activiste anti-apartheid en Afrique du Sud, donc qui s'est fait arrêter en 1977 par la police sud-africaine. Et donc, il est décédé, je crois. Si je ne me trompe pas, oui, il est décédé le 12 septembre 1977 et donc Peter Gabriel rend hommage à Steve Biko dans cette pièce. Donc, sans plus tarder, voici le deuxième côté de l'album, si on va avoir le temps de l'écouter au complet. Bien sûr, avec ma petite erreur que j'ai faite tout à l'heure, donc voici la pièce « And Through the Wire », une pièce quand même assez énergique de Peter Gabriel, je veux dire Phil Collins, je me mélange avec Genesis, bien sûr. Donc, voici ce deuxième côté, j'espère que vous allez apprécier. On se retrouve pour la conclusion de l'émission à la fin de ce bloc de 5 chansons. And through the wire, I touch the power. And through the wire. Shit. trees, eating with a spoon. They don't give you knives. Expect you watch those trees blowing in the breeze. We want to see you lead a normal life. Thank you. donc sur les ondes de C'est fou 89.1, vous venez d'entendre Biko, la dernière pièce qui se retrouve sur le troisième album éponyme de Monsieur Peter Gabriel, je dis Paul McCartney, l'album surnommé Melt, donc qui est apparu en 1980, donc Peter Gabriel qui nous a servi son meilleur album cette année-là, le meilleur album de sa carrière, un album quand même assez paranoïaque, très, on a un thème épeurant tout le long, c'est un thème pop, donc ce qu'on appelle un peu de la sexy scare, c'est le début de la batterie des années 80 où on fait fi des cymbales et où on augmente le son donc des basses de la batterie pour créer une rythmique vraiment différente. Vous aurez reconnu probablement le rythme qui a été emprunté entre autres par Phil Collins pour la chanson In the Air Tonight sur son album Face Value, donc qui est paru quelques temps après celui de Peter Gabriel, mais c'est lui qui a fait la batterie, donc ça a déjà été lorsque j'étais plus jeune, une des chicanes que j'ai eu avec des amis batteurs où je disais que Phil Collins dans le fond avait volé le rythme de batterie de Peter Gabriel, et ils m'ont ramené à l'ordre en me disant donc que Phil Collins avait écrit ce rythme en fait, et donc pouvait l'utiliser. Voilà donc qui est dit, ce n'est pas du plagiat de la part de Phil Collins sur une très bonne pièce qui est In the Air Tonight. On va probablement en entendre parler bientôt dans une de mes chroniques sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, toujours dans le cadre d'Assemblage requis avec Kiwan et Mathieu, toujours les mardis dans les alentours de 16h. Donc il y a chronique Paul is Dead et il y a une histoire derrière cette pièce, donc on va en parler très bientôt sur les ondes de C'est fou à 4h le mardi. Assemblage requis qui est diffusé du lundi au jeudi de 15h à 17h. Donc, on va devoir se laisser encore une fois. Album classique qui vous reviendra la semaine prochaine avec un autre album culte que vous ne retrouverez pas dans la discothèque de vos parents. Donc, je n'ai pensé que je ne vous avais pas présenté les pièces qu'on a entendues dans ce dernier segment. Donc, nous avons entendu en toute première position la cinquième pièce que je vous avais pas présentée du premier côté. Et donc, cette pièce qui se nomme Entry The Wire. Et ensuite, nous avons entendu le fameux succès Games Without Frontier. Et ensuite, Not One of Us, et qui menait ensuite à Lead Normal Life. Et on a terminé avec Biko. On va se laisser maintenant pour Kata qui va envahir les ondes dans quelques instants de l'autre côté de la pub sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Mia Pasta!